Mais le diable, alors. C'est toi, Marc. Oui, c'est moi. Chut, ne bouge pas, il est là. Qui donc, Frédéric? Mais non, un flamant rose, une bête magnifique. Frédéric n'est pas avec vous. Non. Oh, oh, hey. Mille millions de milliards, ce sont ces sacrées femmes. C'est égal, il ne m'échappera pas. Hardy, matelot! Tu vois bien qu'il n'est pas avec son oncle. Mon Dieu, qui sait où il est allé? Voyons, ma reine, ne vous tourmentez pas. Il ne peut pas être bien loin. Il aura poussé jusqu'à la ferme des Giraud. Ah, mais c'est vrai, j'y pensais pas. Mais oui, tu as raison, il a dû aller chez les Giraud. Oh, que je suis contente que tu aies trouvé ça. Tant que je me repose un peu, j'en peux plus. Oh, méchante ma reine, de se faire tant de tourments. Voyez, vos mains sont toutes froides. Ah, que veux-tu? Maintenant, j'ai toujours peur quand il n'est pas près de moi. Peur? si je te confiais tout ce que je pense. Oh, je voudrais qu'une nuit, toutes les digues du Rhône crèvent et que le fleuve emporte la ville d'Arles avec celles qui y sont. Il y songe toujours, vous croyez, à cette fille? S'il y songe. Et pourtant, il n'en parle jamais. Il est bien trop fier. Alors, puisqu'il est fier, comment peut-il l'aimer encore, maintenant qu'il est sûr qu'elle allait avec un autre? Oh, ma fille, si tu savais. Il l'aime plus de la même façon qu'avant, mais il l'aime peut-être davantage. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faudrait donc pour arracher cette femme de son cœur? Oh, il faudrait... Il faudrait une femme. Oh, vraiment? Vous croyez que ça serait possible? Ah, celle qui me le guérirait, mon enfant. Comme je l'aimerais. Si c'est que ça, il y en a des tas qui ne demanderaient pas mieux. Tenez, tenez, sans aller bien loin. La fille des Giraud dont nous parlions, en voilà une qui est jolie et qui lui a longtemps viré autour. Ou bien celle des Nougaret. Elle a peut-être pas assez de bien. Oh, ça. Alors, ma reine, il faut le faire trouver avec une de ces deux-là. Mais le moyen, tu sais bien comment il est devenu. Il se cache, il ne veut voir personne. Mais non, ce qu'il faudrait, c'est que l'amour lui arrivât et l'enveloppa tout entier sans qu'il s'en aperçût. C'est quelqu'un qu'il aimerait assez pour ne pas se rebuter de sa tristesse. Faudrait une bonne créature, honnête. Courageuse. Comme toi, par exemple. Moi? Ah non, moi, je ne l'aime pas. Menteuse. Eh bien, oui, je l'aime. Et je l'aime assez pour subir de lui tous les affronts, toutes les disgrâces, si je savais pouvoir le guérir. Mais comment voulez-vous? Son autre était si belle, on dit. Et moi, je suis si laide. Mais non, ma chérie, tu n'es pas laide. Seulement, tu es triste. Ça, les hommes n'aiment pas ça. Pour plaire, faut rire, faut montrer ses dents. Et les tiennes sont si jolies. Oh, j'aurais beau rire, il ne me regardera pas plus que quand je pleure. Oh, ma reine. Ma reine, vous qui êtes si belle et qu'on a tant aimée. Dites-moi ce qu'il faut faire pour que celui qu'on aime nous regarde et que notre visage lui inspire de l'amour. Assieds-toi près de moi, je vais te le dire. D'abord, faut se croire belle. Ça, c'est les trois quarts de la beauté. Mais oui, toi, on dirait que tu as honte de ce que tu as. Tes cheveux, tiens, on ne les voit pas. Allez, attache ton ruban plus en arrière. Allez, ouvre un peu ce fichu, à l'arlésienne, voilà. Vous perdez votre temps, ma reine. Je suis sûre qu'il ne pourra jamais m'aimer. Qu'est-ce que tu en sais? Tu lui as dit seulement que tu l'aimais? Oh, ben non. Oh, ben non. Comment veux-tu qu'il le devine? Je n'oserais jamais. Voyons, regarde-moi un peu. C'est qu'elle est jolie comme une fleur. Oh, je voudrais qu'il te voie en ce moment. Tiens, tu sais, tu devrais aller jusqu'au mois des Giraud. On reviendrait ensemble. Au jour tombé, les chemins sont troubles. On a peur. On se serre l'un contre l'autre. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que je lui dis là, maintenant? Vivette, mon enfant est en danger. Toi seule peux le sauver. Tu l'aimes. Tu es belle. Va! Oh, ma reine! Ma reine! Ah! Si c'était moi! Comme je saurais bien. Bien mignon. Nous allons voir s'il reste quelques livres au fond de mon sac. Eh bien, maîtresse, vous l'avez trouvé? Non. Il a dû aller jusque chez les Giraud. Ah, bien possible. Adieu. Je rentre. Quoi donc? Il est là, Frédéric. Frédéric? Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Tu n'as donc pas entendu ta mère qui t'appelait? Si. Mais je n'ai pas voulu répondre. Ces femmes m'ennuient. Mais qu'est-ce qu'elles ont donc à mes pieds toujours comme ça? Je veux qu'on me laisse. Je veux être seul. Tu as tort. La solitude n'est pas bonne pour ce que tu as. Ce que j'ai, mais je n'ai rien. Ben, si tu n'as rien, pourquoi passes-tu toutes tes nuits à pleurer, à te lamenter? Qui te l'a dit? Et tu sais bien que je suis sorcier. Eh bien, oui, c'est vrai. Je suis malade. Je souffre. Quand je suis seul, je pleure, je crie. Et tout à l'heure, là-dedans, je cachais ma tête dans la paille pour qu'on ne m'entendît pas. Oh, berger, je t'en conjure. Puisque tu es sorcier, fais-moi manger une herbe. Quelque chose, mais qui m'enlève ce que j'ai là. qui fait tant de mal. Il faut travailler, mon enfant. Travailler. Mais depuis 8 jours, j'ai abattu la besogne de 10 journaliers. Je m'écrase, je m'exténue. Rien n'y fait. Alors, marie très vite. C'est un bon oreiller pour dormir que le cœur d'une honnête femme. Il n'y a pas d'honnête femme. Non. Non, ça ne vaut rien encore. Il vaut mieux que je m'en aille. C'est le meilleur de tout. Oui, le voyage, c'est bon aussi. Tiens. Tiens, dans quelques jours, je vais partir dans la montagne. Viens avec moi. Non. Ce n'est pas assez loin, la montagne. Alors pars avec ton oncle. Va courir la mer lointaine. Non, non. Ce n'est pas encore assez loin, la mer lointaine. Où veux-tu donc aller, alors? Là, dans la terre. Malheureux enfant. Et ta mère? Et le vieux, que tu tueras du même coup? Pardi, ce serait facile si l'on avait à songer qu'à soi. On aurait vite fait de mettre son fardeau bas, mais il y a les autres. Mais je souffre tant, si tu savais. Ah, je sais ce que c'est, va. Je connais ton mal. Je l'ai eu. Toi? Oui, moi. J'ai connu cet affreux tourment de se dire ce que j'aime, le devoir me défend de l'aimer. J'avais 20 ans alors. Dans la maison où je servais, c'était tout près d'ici, là, de l'autre main du Rhône. La femme du maître était belle, et je fus pris de passion pour elle. Jamais nous ne parlions d'amour ensemble, seulement quand j'étais seul dans le pâturage, elle venait s'asseoir et rire tout contre moi. Un jour, cette femme me dit: Berger, va-t'en. Maintenant, je suis sûr que je t'aime. Alors, je m'en suis allé. Et je suis venu me louer là. J'ai ton grand-père. Et vous ne vous êtes plus jamais revu? Jamais. Et pourtant, nous n'étions pas loin l'un de l'autre. Et je l'aimais tellement qu'après des années et des années tombées sur cet amour, tiens, regarde, j'ai des larmes qui me viennent encore en parlant. Ah, c'est égal, je suis content, parce que j'ai fait mon devoir. Tâche de faire le tien. Mais est-ce que je ne le fais pas? Est-ce moi qui vous parle de cette femme? Est-ce que j'y suis jamais retourné? Oui. Oui, quelquefois, la rage d'amour me prend. Je dis, j'y vais, je marche, jusqu'à ce que je vois monter les clochers de la ville. Et jamais je ne suis allé plus loin. Eh bien alors, sois brave jusqu'au bout. Et donne-moi ces lettres. Quelles lettres? Ces lettres épouvantables que tu lis nuit et jour, et qui t'embrassent le sang, au lieu de te dégoûter d'elles, de te calmer, comme le vieux le croyait. Puisque tu sais tout, dis-moi le nom de cet homme et je te les rendrai. À quoi ça te servirait-il? C'est quelqu'un de la ville, n'est-ce pas? Quelqu'un de riche? Elle lui parle toujours de ses chevaux. Possible. Tu ne veux rien me dire? Alors je les garde. Si le galant veut les ravoir, il viendra me les demander. Comme ça, je le connaîtrai. Ah, fou! Triple fou! Mais qu'est-ce qu'ils ont donc à appeler, berger? Au fait, ils ont raison, voilà le jour qui va tomber. Il faut rentrer les bêtes. Attends-moi là, petit. Attends. Je reviens. Tous les amoureux ont des lettres d'amour. Moi, voilà les miennes. Je n'en ai pas d'autres. Ah, misère. Là, j'ai fini. J'ai plus faim. Dire que tout cela est pour un autre. Que c'est écrit. Que je le sais. Et que je l'aime encore. Alors c'est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l'amour. Lis pas ça. Ça fait pleurer. Comment le sais-tu que ça fait pleurer? Je te vois bien la nuit dans notre chambre, quand tu mets ta main devant la lampe. Oh! Le berger a raison de dire que tu t'éveilles. Il faut prendre garde à ces petits yeux-là, maintenant. Laisse ces vilaines histoires, va. Moi, j'en sais de bien plus belles. Veux-tu que je t'en raconte une? Voyons. Il y avait une fois... C'est drôle. Le commencement des histoires, je ne me le rappelle jamais. Je me suis donné à toi tout entière. Oh, Dieu. Et alors? Oh, ça me fatigue de t'en chercher. Et alors, elle s'est battue toute la nuit. Et puis au matin, le loup l'a mangée. Eh bien, et ton histoire, est-ce qu'elle est finie? Cher petit, il s'est endormi en me la racontant. Est-ce heureux de dormir comme ça? Moi, je ne peux pas. Ce n'est pourtant pas ma faute. Mais on dirait que toutes les choses autour de moi s'arrangent pour m'empêcher de l'oublier. Ainsi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était un soir, comme maintenant. Et l'innocent s'était endormi, comme il est là. Et moi, je le veillais, pensant à elle. Ah, le voilà enfin. Alors, elle est venue doucement derrière les mûriers, et elle m'a appelé par mon nom. Frédéric? Oh, j'ai encore sa voix dans les oreilles. Moi, par malice, je ne me retournais pas. Alors, pour m'avertir, elle s'est mise à secouer les mûriers en riant de toutes ses forces. Et j'étais là, sans bouger, à recevoir son joli rire qui me tombait sur la tête avec les feuilles des arbres. Qui est là? Oh, c'est toi, Vivette. Oh, que tu m'as fait mal. Je t'ai fait mal. Mais qu'est-ce que tu me veux donc avec ton rire? Ton rire insupportable. C'est que je t'aime. Et qu'on m'avait dit que pour plaire aux hommes, il fallait rire. Tu m'aimes? Il y a longtemps, va. Toute petite. Te rappelles-tu quand la grand-maman Renaud nous emmenait cueillir du vermillon du côté de Montmajour? Je t'aimais déjà dans ce temps-là. Il y a 10 ans de cela. Ainsi, tu penses. C'est un grand malheur pour toi que cet amour te soit venu, Vivette. Moi, je ne t'aime pas. Oh, je le sais bien, va. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, dans le temps que je te parle, tu commençais à ne pas m'aimer. Quand je te donnais quelque chose, toujours tu le donnais aux autres. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu veux donc de moi? Puisque tu sais que je ne t'aime pas, que je ne t'aimerai jamais. Tu ne m'aimeras jamais, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien ce que je disais. Écoute, ce n'est pas ma faute, c'est ta mère qui a voulu. Ah, voilà donc ce que vous complotiez ensemble tout à l'heure. Mais elle t'aime tant, ta mère. Elle est si malheureuse de te voir de la peine. Il lui semblait que ça te ferait du bien d'avoir de l'amitié pour quelqu'un, et voilà pourquoi elle m'a envoyée vers toi. Et sans elle, je ne serais pas venue, je ne suis pas demandeuse, moi. Ce que j'avais m'aurait suffi. Venir ici 2 ou 3 fois l'an. T'entendre. Être à tes côtés. Je n'en aurais pas voulu davantage. Et vois comme je suis malheureuse. Ces bonheurs que je ne faisais avec rien, mais qui me remplissaient ma vie, voilà qu'on me les a fait perdre. Car à présent, c'est fini, tu comprends bien? Après tout ce que je t'ai dit, je n'oserai plus jamais te regarder en face. Il faut que je m'en aille pour ne plus revenir. Tu as raison. Va-t'en. Cela vaut mieux. Seulement avant que je parte, laisse-moi te demander une chose, une dernière chose. Le mal qu'une femme t'a fait, une femme peut le guérir. Cherche une autre amoureuse. Ne te désespère pas toujours auprès de celle-là. Oh, mon Frédéric, ne te laisse pas mourir pour cette femme. Il y en a d'autres, et toutes ne sont pas laides comme vivaient. Ah, il ne me manquait plus que cette persécution. Ni de toi, ni des autres, ni des belles, ni des laides. Je n'en veux à aucun prix. Dis-le bien, ma mère, qu'elle ne m'en envoie plus au moins. D'abord, toutes me font horreur. C'est toujours la même grimace. Du mensonge, et encore du mensonge. Ainsi, toi, toi qui es là, qui me dis que tu n'as pas quelque part un amant, qui va venir encore avec des lettres. Oh, Derry ! Tu vois bien que je suis fou et qu'il faut me laisser tranquille. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, ma reine, je vous avais bien dit qu'il ne m'aimerait jamais. Si vous saviez ce qu'il m'a dit, comme il m'a parlé. Mais où est-il allé ? Il est parti par là, comme un égaré. Ah, tu vois, tu as eu peur, toi aussi. Ah non, non, non, je ne peux plus vivre comme ça, il faut prendre un parti. Allez, viens, viens.